y a dire, à démontrer. Et pour promouvoir le titre sous lequel ce dire se poursuivra l'année prochaine, si je survis, je l'annoncerai 4, 5, 6. Cette année, j'ai dit RSI. Pourquoi pas 1, 2, 3. 1, 2, 3, nous irons au bois. Vous savez la suite peut-être, 4, 5, 6, cueillir des cerises. Oui, 7, 8, 9, dans mon panier 9. Eh bien, je m'arrêterai à 4, 5, 6. Pourquoi? Pourquoi RSI se sont-ils donnés comme lettre? C'est que, qu'elle soit 3, peut être dit second. Ce n'est que parce qu'elles sont 3 qu'il y en a un qui est le réel. Lequel, laquelle de ces 3 lettres mérite-t-elle ce titre de réel? Je dis qu'à ce niveau de logique, peu importe, et que le sens le cède au nombre, au point que c'est le nombre qui, ce sens, vais-je dire, le domine. Non pas, le détermine. Le nombre 3 est à démontrer comme ce qu'il est, s'il est le réel, à savoir l'impossible. C'est la plus difficile sorte de démonstration. Ce qu'on veut démontrer en passe du dire, il faut que ce soit impossible, condition exigible pour le réel. Il existe comme impossible. Encore faut-il le démontrer, pas seulement le montrer. Le démontrer relève du symbolique. Si le symbolique prend le pas ainsi sur l'imaginaire, ça ne suffit pas. Ça ne donne que le ton. Et en fin de compte, ce n'est pas au ton qu'il faut se fier, puisque c'est au nom. C'est ce que j'essaie de mettre à l'épreuve. Mais un nombre noué, est-ce encore un nombre? Ou bien est-ce autre chose? Voilà où nous en sommes. Je vous ai retenu tout le long de l'année autour d'un certain nombre de flashs. N'y suis, moi, que pour peu de choses, et étant déterminé comme sujet par l'inconscient ou bien par la pratique. Une pratique qui implique l'inconscient comme supposé, est-ce-à-dire que comme tout supposé, il soit imaginaire. C'est le sens même du mot sujet, supposé comme imaginaire. Qu'y a-t-il dans le symbolique qui ne s'imagine pas? Je veux vous dire, c'est qu'il y a le trou. Quelqu'un qui me voyait en proie, c'est le cas de le dire, à ce nœud de là, qui dessine sous sa forme la plus simple. Quelqu'un qui m'y voyait en proie, sous des formes plus compliquées, m'a dit que je me démentais, en quelque sorte, d'avoir avancé dans un temps selon une forme qui n'est même pas mienne, qui est picassienne, comme chacun sait. Je ne cherche pas, je trouve. Quelqu'un m'a dit, eh ben là, je vous vois vachement chercher. Chercher, c'est un terme qui provient du circarer, comme vous pouvez le trouver n'importe quel dictionnaire étymologique. Je trouve quand même, puisque ça n'est pas dans le dictionnaire étymologique, j'ai trouvé le trou de souris, si j'ose m'exprimer ainsi, par où j'en suis réduit à passer. A-t-il affaire avec ce qu'on imagine le déterminer, à savoir le cercle? Un cercle peut être un trou, mais il ne l'est pas toujours. Pendant que j'y suis à ce sujet, je dirais que je rappellerai ce qui se trouve déjà dans les dernières lignes de mes propos sur la causalité psychique, proverbe arabe, qui énonce que il y a un certain nombre de choses, il en nomme trois lui aussi, sur quoi rien ne laisse de trace. L'homme dans la femme, dit-il d'abord, voir le pas de la gazelle sur le rocher, le précède, évoquant ce troisième terme, de ceci terminé par une virgule, plus inaccessible à nos yeux, cette trace, faite pour les signes du changeur. C'est le troisième terme. Il n'y a pas de trace sur la pièce de monnaie touchée, seulement d'usure. Bien là, on vient solder, c'est le cas de le dire, quelque chose de noué dont il s'agit. je trouve assez pour avoir à fomenter le cercle qui naît du trou, la conséquence. Je trouve assez pour avoir à circuler. Je ne sais pas si vous remarquez que la police, dont Hegel pose fort bien que tout ce qui est de la politique s'y enracine, qu'il n'y a rien de la politique qui ne soit enfin au dernier terme de réduction, police pure et simple, que la police n'a que ce mot à la bouche. Circuler. Peu lui importe la girie dont je vous ai parlé la dernière fois. Que ce soit girer à droite ou à gauche, elle s'en fout, c'est le cas de le dire. Ce dont il s'agit, c'est de circuler. Ça ne devient sérieux que si l'on part du trou par où il faut en passer. Ce qu'il y a de remarquable dans le nœud, bon, je ne dis pas beau, dans le nœud bon, comme je l'appellerai à l'occasion, c'est exactement ceci, qu'il fasse nœud, tout en ne circulant pas d'une façon qui utilise ce trou comme tel. Il y a une différence entre ce nœud et ceci qui le trou utilise. C'est ce qui fait chaîne. Il est frappant depuis le temps qu'on fait des chaînes que la chose qu'on n'ait pas remarqué, c'est que dans le nœud bon, pas besoin d'user du trou, puisque ça fait nœud sans faire chaîne. Ça fait nœud de quelle façon? D'une façon telle que est exactement la même chose que ça, malgré l'apparence. Comme vous le voyez, sous cette forme pure apparente, c'est dans la mesure que ces deux ronds ne sont pas noués que le troisième, dans cette mesure même, le troisième infléchi l'un des deux. Entre eux sont libres. L'un fléchi, elle va nécessairement arriver à l'autre bout d'un de ces cercles. Il infléchira l'autre à son tour et qu'il ainsi tournera en rond si ce rond supposons du symbolique, il fera indéfiniment le tour là, entre guillemets, puisque ce n'est pas une vraie chaîne. La fausse chaîne de l'imaginaire et du symbolique, c'est bien en effet de cela qu'il s'agit. Comment se reconnaître dans ce double cercle, couplé, et justement de n'être pas noué pour qu'un nœud soit formé. Qu'un nœud soit bon. Il ne suffit pas qu'il soit nœud. Il faut que chacun des éléments, ce terme, il faut et il suffit. On ne lui donne pas, sauf à se référer au nœud, son plein sens. Dire il faut, c'est quelque chose, mais dire il suffit implique ce qu'on oublie toujours parce que on ne fait pas le trou, le seul trou qui vaille, la trouvaille. Parce qu'on ne fait pas le trou, on ne voit pas que si la condition manque, rien ne va plus. Ce qui est l'envers du « il faut », envers toujours éludé, je vais vous le démontrer tout de suite. Vous jouez deux cercles. Vous les louez d'une façon qui implique, comme c'est là, non démontré, mais bien seulement montré, vous les nouez de façon telle qu'il ne soit pas noué. Il passe ici quelque chose. Et aussi bien la consistance d'un cercle que d'une droite infinie. Cela suffit. C'est identifiable à cette ville. Mais bon. Cela suffit à faire un nœud borroméen. Rien ne va vous être plus facile à imaginer que ceci. Et si vous en faites passer ici comme ça, une autre. Vous avez une figure qui aura l'air, comment ne pas le croire, d'être un nœud borroméen. Néanmoins, il ne suffit pas de couper cette consistance pour que chacun des trois autres éléments soit libre des deux autres. Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que les choses se disposent autrement. Si pourtant a bien l'air d'être la même chose, à savoir que la disposition à quatre éléments soit de cette forme, en tant que montrable. Qu'est-ce qui le démontre, car dans cette forme, il est clair que l'un quelconque des éléments étant rompu, les trois autres sont libres, ce qui n'était pas le cas dans la première figure que je vous ai livrée. Et d'abord, qu'est-ce qu'il y a de commun dans la façon dont je vous figure ces quatre éléments, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la droite comme infini et le cercle? Ce qu'il y a de commun, c'est que leur rupture libère les autres éléments du nœud. La rupture du cercle équivaut à la rupture de la droite infinie, En quoi? Au point de vue du nœud, non pas en tant que rupture. Dans ses effets sur le nœud, non pas dans ses effets de reste sur l'élément. Que reste-t-il du cercle après sa rupture? Une droite finie comme telle, autant dire bonne achetée, un petit chiffon, un bout de corde, de rien du tout. Le zéro du cercle coupé, laissez-moi figurer ce coupé par ce qui sépare, c'est-à-dire le 2. 0 sur 2 égale tout au plus ce petit 1 de rien du tout. La droite infinie, le grand 1, une fois sectionné, ça fait quand même deux demi-droites qui partent, comme on dit, d'un point zéro, pour s'en aller à l'infini. 1 sur 2 égale 2. Ceci pour vous faire sentir que quand j'énonce qu'il n'y a pas de rapport sexuel, je donne au sens du mot rapport l'idée de proportion. Mais chacun sait que le mos geometricum d'Euclide, qui a suffi pendant tant de temps à paraître le parangon de la logique, est tout à fait insuffisant et qu'à entrer dans la figure du nœud, il y a une toute autre façon de supporter la figure du non-rapport des sexes, c'est de les supporter de deux cercles en tant que non noués. C'est de cela qu'il s'agit dans ce que j'énonce du non-rapport. Chacun des cercles qui se constituent, nous ne savons pas encore de quoi dans le rapport sexe. Chacun, dans sa façon de tourner en rond comme sexe, n'est pas à l'autre noué. C'est cela que ça veut dire, mon non-rapport. Il est tout à fait frappant que le langage ait depuis longtemps devancé la figure du nœud sur laquelle s'escriment seulement de nos jours les mathématiciens pour appeler nœud ce qui unit l'homme et une femme, en parlant sans bien naturellement savoir ce dont il s'agit, en parlant métaphoriquement des nœuds qui les unissent. Ce sont ces nœuds qu'il vaut sans doute de rapporter en montrant qu'ils impliquent comme nécessaire ce trois élémentaire dont il se trouve que je les supporte, de ces trois indications de sens, de sens matérialisé qui se figure dans les nominations du symbolique l'imaginaire et du réel. Je viens d'introduire le terme de nomination. J'ai eu à y répondre récemment à propos de ce qui était rassemblé dans un petit ouvrage de logicien sur le sujet de ce que les logiciens étaient parvenus à énoncer jusqu'à ce jour concernant ce qu'on appelle le référent. Je tombais là du haut de mon nœud et ça ne m'a pas du tout facilité les choses parce que c'est là toute la question. La nomination relève-t-elle, comme il semble apparemment, du symbolique? Vous le savez, enfin peut-être vous en souvenez-vous, je vous ai fait un jour la figure qui s'impose quand on fomenter un nœud à quatre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que si nous introduisons à ce niveau la nomination, c'est un quart élément. Cette figure de l'effet ne fait pas son. Il faut partir. Non doué, et même n'est pas de répugnance à évoquer le cadre qui défait écho à cette dure. Voilà ce qu'on vient pour qu'un quart cercle, nous les trois, qui d'abord s'est posé un dévoué. Cette figure, contrairement à celle du jour où j'étais aussi bien embrouillé que vous pouvez l'être à l'occasion, faute de vous être rompu à cet exercice, l'un des cercles restait hors du jeu. C'est en ceci que, si plein dans sa simplicité, que soit le nœud borroméen à 3, c'est à partir de 4. Et je souligne, à s'engager dans ce 4, on trouve une voie particulière, qui ne va que jusqu'à 6. En d'autres termes, qui fait du cercle couplé pris pour chacun des éléments qualifiables de ce que le 3 impose, non pas de distinction, mais bien au contraire d'identité entre les trois termes du symbolique, l'imaginaire et du réel, au point qu'il nous semble exigible de retrouver dans chacun cette triplice, cette trinité du symbolique, de l'imaginaire et du réel, à savoir d'évoquer que le réel tient dans ces termes que j'ai déjà fomentés, du nom d'existence, de consistance et de trou, de faire de l'existence écrite comme je l'écris, à savoir ce qui joue jusqu'à une certaine limite dans le nœud. Cela supporte le réel, ce qui fait consistance et de l'ordre imaginaire. Comme le suppose ceci, qui nous est vraiment tangible, que s'il y a quelque chose, quoi relève la rupture, c'est bien la consistance à lui donner le sens le plus réduit. Il reste alors, mais reste-t-il pour le symbolique l'affectation du terme trou? Ceci entend que la mathématique, celle proprement qui se qualifie de la topologie, nous donne une figure sous la forme du tore de quelque chose qui pourrait figurer le trou. Or, la topologie ne fait rien de tel, ne serait-ce que parce que le tore en a deux trous. Le trou interne, avec sa girie, et le trou qu'on peut dire être externe, et grâce à quoi le tore se démontre participer de la figure du cylindre, qui est une des façons qui pour nous matérialise le mieux la figure de la droite à l'infini. Cette droite à l'infini, chacun sait son rapport à ce que j'appelle simplement le rond, la consistance. Chacun sait ce rapport, pas seulement d'avoir vu le figurer dans le nœud borroméen qui porte l'indication NBO. Un nommé de Sargue, l'Arguésien, comme on dit, s'est avisé depuis longtemps que la droite infinie est en tout homologue au cercle, en quoi il a devancé le nommé Riemann. Il l'a devancé néanmoins. Une question reste ouverte, à quoi je donne, par l'attention que j'apporte au nœud borroméen, déjà réponse, ce qui ne vous empêchera pas, du moins je l'espère, d'en maintenir présent pour votre esprit la forme question. Comme vous le voyez dans cette figure à gauche du nœud borroméen constitué par l'équivalent de ce cercle sous la forme d'une droite nouée à un cercle, du couple supposé que s'il a pour supporter votre esprit pourrait être du symbolique. Les deux autres, sans qu'on sache de quelle droite figurait spécialement le réel, par exemple celle-ci, ou l'imaginaire, celle-ci. Que faut-il pour que cela fasse nœud? Il faut que le point à l'infini soit tel que les deux droites ne fassent pas chaîne. C'est là la condition que les deux droites, quelles qu'elles soient, d'où qu'on les voit, je vous fais remarquer en passant que ce d'où qu'on les voit supporte cette réalité que j'énonce du regard. Le regard n'est définissable que d'un d'où qu'on les voit. d'où qu'on les voit, et à vrai dire, si nous pensons une droite comme faisant rond d'un point unique à l'infini, comment ne pas voir que ceci a un sens, qu'elle ne se noue pas. Non seulement que ceci a un sens, qu'elle ne se noue pas, mais que c'est de ne pas se nouer, qu'elles se noueront effectivement à l'infini. Point qu'à ma connaissance, de Sargue dont j'ai usé autant ailleurs qu'ici, un normal supérieur pour l'évoquer par son nom, je faisais mon séminaire sur les Ménines de Velázquez, où j'en profitais pour me targuer, situer où il était ce fameux regard dont bien évidemment c'est le sujet du tableau. Je le situais quelque part, dans le même intervalle. Peut-être qu'un jour, vous verrez paraître ce séminaire dans le même intervalle que j'établis ici au tableau sous une autre forme, à savoir dans celui que je définis de ce que les droites infinies, en leur point supposé d'infini, ne se nouent pas en chaîne. C'est bien là que commence pour nous la question. Il ne semble pas que de Sargue se soit jamais posé la forme sous laquelle il supposait ses droites infinies en posant la question de savoir si elle se nouait ou pas. Il est tout à fait frappant que Riemann, pour lui, ait tranché la question d'une façon peu satisfaisante en faisant de tous les points à l'infini, à quelque droite qu'ils appartiennent, un seul et unique point qui est au principe de la géométrie de Riemann. À soulever la question de nous allons voir que j'ai qui dirait les choses. Ah, quand je perds Mirabel sous la forme d'un nœud, d'un vrai. Une chose curieuse présente une sorte d'analogie avec cette forme. Si nous étudions ce nœud, comme le font les mathématiciens, ce que nous pouvons faire, c'est d'amorcer la notion dite du groupe fondamental, c'est-à-dire de définir la structure de ce nœud par une série de trajets qui seront d'un point quelconque, celui-ci par exemple. Nous définissons le nœud par quelque chose qui s'appelle le groupe fondamental et qui comporte un nombre qui diffère selon les nœuds, un nombre de trajets qui seront nécessaires pour indiquer sa structure. Ces trajets, même s'ils font plusieurs boucles dans chacun, mais là je pose la je mets le trou entre guillemets dans chacun des trous qui apparemment font ce nœud. Il y en aura un certain nombre, et contrairement à ce que vous pouvez imaginer, ce nombre dans ce cas où la figure mise à plat a l'air d'en comporter 4 champs distincts, ça ne fera pas pour autant 4 cercles individualisables de trajet. Mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, ça n'est pas le nombre qui sera caractéristique de ce groupe fondamental, ça sera la relation entre un certain nombre de trajets. Nous supportons là, à l'état pur, la notion de rapport en tant que justement elle nous ramène au nœud borméen, puisque ce rapport même fait nœud à ceci près que ce nœud manque de nombre. En prenant cette étape du nœud borroméen, nous supportons du nombre même les cercles ou les trajets dont il s'agit pour n'importe quel nœud, même si ce nœud, celui que je viens de dessiner, vous le voyez, n'a de consistance qu'unique. Nous prenons le nombre comme truchement, comme intermédiaire, comme élément lui-même, pour nous introduire dans la dialectique du nœud. Ce ou cette fois-ci, j'en viendrai. Et ceci, c'est à savoir que rien n'est moins, si je puis dire, naturel que de penser ce nœud. Qui est de l'un, ce que j'ai avancé en son temps pour le supporter du cercle, et quelque chose à quoi justement se limite le mouvement de la pensée, à faire cercle, et c'est en quoi il n'y a rien de plus naturel, c'est le cas de le dire, que de lui reprocher son cercle comme vicieux. Que si, pour figurer le rapport des sexes, sans autrement ni plus préciser, je trouve la figure de 2-1 sous la forme de 2 cercles, qu'un troisième nous, précisément de ce qu'il ne soit entre eux pas noué, car ce n'est pas seulement qu'il soit libre quand ce troisième est rompu qu'il s'agit. C'est de ce que ce troisième, comme je vous l'ai montré dans la figure, c'est de ce que ce troisième, les nous, expressément de ce qu'il ne soit pas noué qu'il s'agit. Et ne aurais-je fait que de faire passer cette fonction dans votre esprit, que je considérerais qu'aujourd'hui, je n'ai pas parlé en vain. C'est de cela même qu'il s'agit. C'est de ce qu'il ne soit pas noué qu'il se noue. Et la nécessité qu'un quatrième terme vienne ici imposer ces vérités premières est justement ce sur quoi je veux terminer. C'est à savoir que sans le quatrième, rien n'est à proprement parler mis en évidence. Je n'ai pu aujourd'hui le faire, mis en évidence de ce qu'est vraiment le nœud borroméen. Dans toute chaîne, pour imaginer la plus simple, dans toute chaîne borroméenne, il y a un 1, puis un 2. Selon la forme que je vous ai dessinée tout à l'heure, vous êtes là. Deux, c'est le commencement de la chaîne, après quoi il y aura un troisième cercle. Qui fera boucle. Qu'est-ce qu'implique que dans une chaîne quelconque, comme elle fait chaîne, elle fait toujours chaîne, nous plaquions un quelconque des deux premiers au rang troisième. Quelle que soit la chaîne, l'opération dont il s'agit impliquera, pour nous limiter à la chaîne 1, 2, 3, 4, impliquera que si nous voulons mettre un quelconque de ces deux au rang troisième, le 1 sera dès lors noué au 2 et par le 3, et par le 4, faites-en l'expérience, car aussi bien, il n'y a rien de tel pour essayer de penser ce nœud que de manipuler des rondes ficelles. Je le répète, en ayant déjà une place au tableau, 1, 2, 3, 4, à nous limiter à ceci, dans une chaîne quelconque, par quelques boucles, nous la prenons, impliquera qu'à mettre soit le 1, soit le 2, à la place dite troisième, à en faire l'effort, nous obtiendrons ceci, c'est que pour choisir l'un des deux, puisque ici c'est le 2 que nous choisissons, pour mettre le 2 là en rang troisième, le 3 et le 4 nécessairement noueront ce 1 au 2 ainsi déplacé. C'est tout à fait clair que le 1 et le 2 sont interchangeables, c'est à savoir au début d'une chaîne, au début d'une chaîne, le premier et le second sont indéfiniment interchangeables. C'est à placer l'un de ces deux-là au rang 3, à nous efforcer, à viser à le placer au rang 3, que nous verrons non pas seulement le 3 intéressé et passé à la place du 2, mais avec le 3, le 4e. Et c'est en cela que se justifie l'intérêt que je porte au nœud à 4 dans l'occasion et que je développerai l'année prochaine. Dès lors, puisque nous ne savons pas à quoi coupler la nomination qui ici fait quatrième terme, est-ce que nous allons le coupler à l'imaginaire? À savoir, venant du symbolique, la nomination est là pour faire dans l'imaginaire un certain effet. C'est bien en effet ce dont il semble s'agir chez les logiciens quand ils parlent du référent. Les descriptions russelliennes, celles qui s'interrogent sur l'auteur, celles qui se demandent en quoi il est légitime et fragile logiquement d'interroger sur le fait que Walter Scott est-il ou non l'auteur de Waverley, il semble bien que cette référence concerne expressément ce qui s'individualise du support pensé des corps. Il n'est en fait certainement rien de semblable. La notion de référent vise le réel. C'est en tant que réel que ce que les logiciens imaginent comme réel donne son support au référent. À cette nomination imaginaire. Celle qui s'écrit ceci, par exemple. C'est la relation entre R et S. Nous avons une nomination indice petit i. Et puis le i. Pour nous en tenir au nœud à quatre, comme constituant le lien entre le réel et le symbolique. Je proposerai ceci. C'est que la nomination imaginaire, c'est très précisément ce que je viens de supporter aujourd'hui par la droite infinie, et que cette droite, dans ce cercle que nous composons d'un cercle et d'une droite, que cette droite est très précisément non pas ce qui nomme quoi que ce soit de l'imaginaire, mais ce qui justement fait barre, inhibe le maniement de tout ce qui est démonstratif, de tout ce qui est articulé comme symbolique, fait barre au niveau de l'imagination même et rend ce dont il s'agit. Dans le corps, dans chaque insecte qui intéresse le corps, au moins dans la perspective analytique, c'est le corps en tant qu'il fait orifice, que ce par quoi il se noue à quelque symbolique ou réel dont il s'agisse, c'est justement de ce nœud la mise en évidence d'un cercle, d'un orifice que l'imaginaire est constitué. Cette droite infinie qui ici complète le faux trou dont il s'agit, puisqu'il ne suffit pas d'un orifice pour faire un trou, chacun d'entre eux étant indépendant des autres, c'est très précisément l'inhibition que la pensée a à l'endroit du nœud. Nous pouvons interroger de la même façon si entre réel et imaginaire, c'est la nomination indice du symbolique, c'est-à-dire en tant que dans le symbolique surgit quelque chose d'homme. Nous voyons ça dans les débuts de la Bible. À ceci près qu'on ne remarque pas ceci, c'est que l'idée créationniste, le fiat lux inaugural, n'est pas une nomination. Que ce soit du symbolique que surgisse le réel, c'est ça l'idée de création, n'a rien à faire avec le fait que dans un second temps, le même Dieu donne leur nom à chacun des animaux qui habitent le paradis. De quelle nomination s'agit-il dans ce que j'appelle ici, pour l'indiquer d'un grand N de S, de quelle nomination s'agit-il dans une des deux de ce qui nous est mythiquement raconté. C'est bien en effet une question à quoi il vaut qu'on s'arrête un peu, parce que cela relève de sens qui, dans chaque cas, est un sens différent. La nomination de chacun, qui d'ailleurs est un nom commun, non pas au sens de Russell un nom propre, la nomination de chacune des espèces, que représente-t-elle? Une nomination assurément étroitement symbolique, une nomination limitée au symbolique. Est-ce que c'est cela qui nous suffit pour supporter ce qui vient, en un point certes pas indifférent, dans cette élémentation à quatre du nœud qui se supporte du nom du Père? Est-ce que le Père, c'est celui qui a donné leur nom aux choses? Ou bien ce Père doit-il être interrogé en tant que père au niveau du réel? Est-ce que, pour tout dire, le Père éternel, à quoi, bien sûr, rien ne nous empêcherait de croire, s'il était même pensable que lui-même croit en lui? Alors, impensable. Est-ce que nous devons mettre le terme nomination comme noué au niveau de ce cercle dont nous supportons la fonction du réel? C'est entre ces trois termes, nomination, l'imaginaire comme inhibition, nomination du réel comme ce qu'il se trouve, qu'elle se passe en fait, c'est-à-dire angoisse, ou nomination du symbolique, je veux dire impliquer fleur du symbolique lui-même, à savoir comme il se passe en fait sous la forme du symptôme. C'est entre ces trois termes que j'essaierai l'année prochaine, ce n'est pas une raison parce que j'ai la réponse pour que je ne vous la laisse pas en tant que question, que je m'interrogerai l'année prochaine sur ce qu'il convient donner comme substance au nom du Père.